prima parada. Va a venir la sexta norte entre calle 21 y 22. Bonjour. On dirait, ça va, il pourrait bien s'entendre avec quelqu'un.